Daniel, je sais pourquoi. Chapitre 5. La confrontation. Le bleu s'estompait et je découvris un long couloir où se dessinaient de part et d'autre des portes. « Tu y es, Daniel !» reprit mon frère. Je le voyais devant moi. Il était beau, bien que ses traits étaient incertains. Il n'avait pas de pieds, ses jambes s'arrêtaient au niveau des genoux. Il flottait dans l'espace, ne semblant souffrir d'aucun mot. « Tu vas me suivre, me dit-il. Nous allons visiter l'hôpital. Surtout, ne pense à rien d'autre et mesure tes émotions. Autrement, tu ne pourrais continuer et tes tourments recommenceraient. » Nous commençâmes notre visite. Je me sentais transportée, mes pieds ne touchant pas le sol. D'ailleurs, il n'y en avait pas. À notre passage, les murs devenaient transparents, puis inexistants lorsque l'on cherchait à les toucher ou les mesurer. En fait, ce drôle de décor ne supportait pas l'attention des sens, n'étant là que d'une manière relative. Soudain, nous nous arrêtâmes devant une porte. Celle-ci devint aussitôt transparente. Mon guide m'apparut, il se tenait sur mon côté gauche. Sébastien, souriant, me dit « Regarde par ici et dis-nous ce que tu vois. » Je percevais une petite maison isolée dans une prairie à la verdure chatoyante. Une vieille dame s'y trouvait, plantant ou cueillant quelques légumes. Le ciel était bleu sans nuages, ni aucun oiseau ou insecte. Les couleurs de la maison étaient indéfinissables, changeant sans cesse de teinte. La vieille femme, courbée, avait des bas sombres qu'elle laissait plisser d'une manière disgracieuse. Ses mains étaient rouge sang, presque bleues, comme par un manque de circulation ou d'oxygène. Tout à coup, je me sentis agressée, je perdis l'équilibre et me mis à reculer. La vieille dame se dressa et tourna la tête vers moi. Horreur, ma mère, je la reconnaissais. Je fus propulsée en arrière. Sébastien s'écria. Daniel, reprends-toi. Ne te laisse pas envahir par tes souvenirs. Sache que ton cœur et tes souvenirs sont ta prison. Mon guide me saisit par les épaules, me stoppant dans mon repli, et dit. Daniel, Daniel, ne crains rien, essaye encore une fois. Je m'entendis hurler. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? J'étais bousculée. Une foule semblait être en dessous de moi à me porter. Des commentaires inintelligibles me blessaient les oreilles, ou, du moins, mes sens auditifs. Des perceptions que je ne contrôlais plus. Tout était trop fort. Tout m'oppressait. Des centaines de visages, de regards croisaient ma conscience. J'étais épiée et, je crois, jugée. L'on m'emmenait vers cette porte, je subissais cette épreuve, bien qu'au plus profond de moi, quelque chose réclamait cette rencontre, ce face-à-face avec mon bourreau. Des rires et des applaudissements se joignaient à cette effervescence fébrile. Je me trouvais au milieu d'un cercle où une centaine d'esprits étaient là à me soutenir ou m'accuser. Des instants affolants. Les sons accompagnant mes visions étaient désynchronisés, troublant mes perceptions. L'ambiance sonore de la foule était discontinue, entrecoupée de trous insonores, comme si tout à coup l'on me plongeait la tête sous l'eau, m'ôtant tous repères auditifs. Mon guide me dit « Daniel, si tu te trouves obligé, poussé, c'est que ton cœur te le demande au-delà de ma volonté pure et de ton raisonnement. Ton esprit n'est que pardon, ton raisonnement terrien te masque cet entendement. » Je vis mon guide tendre les bras vers moi, bousculé aussi par cette foule incontrôlable qui, avec de grands gestes et des attitudes de manant, m'emportait vers cette porte. Mon frère, stoïque, me regarda en souriant et me dit « Va la voir, parle avec elle, pardonne-lui. » J'avançais toujours vers cette voyance spirituelle, vers cet endroit imaginaire. Il y avait là cette vieille dame au visage changeant, tantôt ridée, tantôt jeune. La couleur de ses cheveux changeait en même temps que leur longueur. Sa taille n'était jamais la même, comme si nous pouvions voir à travers elle les milliers d'êtres qu'elle avait été. « Non » criai-je, « lâchez-moi ! Sébastien, où es-tu ? Je ne suis pas dans un hôpital, mais dans une salle de torture ! Pourquoi ? Lâchez-moi ! » Des lamentations s'élevaient en dessous de moi, en même temps que mes cris. En y regardant bien, en dessous des esprits qui me portaient, dans un fatras de formes, je percevais horrifié le vide où brûlait un feu incandescent. « Non, oh non, je vais en enfer !» Je me rappelais pourtant des paroles de mon guide me disant « ni d'enfer, ni de paradis » et que mes visions n'étaient qu'illusion. Pourtant, j'avançais, une longue marche vers l'inévitable. La vieille dame avait un air inquiétant. Effrayante et angélique, je voyais se dessiner sur son visage les os de son crâne. Des images rebutantes qui blessaient ma raison. « Viens, mon enfant, disait ma mère, Pardonne-moi, demandait-elle. J'avançais, portée par les dernières âmes qui me poussaient, assistant ma profonde volonté. Je me retrouvais alors seule devant elle. Plus de bruit autour de moi, ni de frères ou de guides, aucun mouvement. Plus de couloir, ni de porte, juste nous deux et la respiration sifflante de ma mère. Elle était là, devant moi, et je ne savais que faire. Elle semblait attendre quelque chose, peut-être un geste de moi que j'étais incapable de faire. Une pâle lueur blanche était derrière elle, faisant briller ses contours, mais assombrissant son visage. De ses mains sortaient des fils ou des cordons qui sans cesse et rapidement flottaient vers l'infini du vide. L'on aurait cru les lueurs de la foudre. Des arcs électriques, me disait-on dans le réservoir de mon intuition. Mon guide me dit « Daniel, ta mère réclame le pardon, car vous avez un travail à faire ensemble. Elle attend ton consentement. Seul ton cœur est endurci. Pour ta mère, l'heure est au pardon et au rachat. » « Oh, mon guide, vous vous trompez, dis-je d'une manière coléreuse. C'est moi, la victime, et d'un tortionnaire vous en ressortez un ange. Ne voyez-vous pas ? Êtes-vous donc aveugle ? Il existe dans cette femme espiègle et mal vieillie un monstre qui tuait moi et les miens. Elle ne demande pas le pardon, mais attend que l'on lui ouvre l'enfer. Elle doit y aller. » Mon guide surgit entre ma mère et moi et dit avec autorité « Daniel, tes paroles blessent plus qu'elles ne révèlent la vérité. Cet esprit est en phase de réincarnation et tu dois aller sur terre avec elle. Tu dois continuer ta route. Il faut donc apprendre le pardon car toi aussi tu es un monstre. As-tu déjà oublié les horribles actions que tu commettais alors au pouvoir ?»« Me réincarner, dis-je. Encore une ineptie. » Je me sentais fort tout un coup, fort et sûr de moi. Je répondais à mon guide, certain et assuré. Ces mots ne m'effrayaient plus. Je rajoutais « Mon guide, vous vous apitoyez sur cette femme et vous oubliez le sort de mon père et le mien. Quant à mon frère Sébastien, il a succombé à vos charmes. Vous êtes là à me supplier, me montrant l'image tronquée de ma mère, ceci dans l'espoir de me sensibiliser. Mais sachez-le, je resterai sur mes marques, et si vous voulez réellement m'aider, emmenez-moi à mon père, j'aimerais connaître son opinion. » À ces mots, un trouble m'envahit et aussitôt je me retrouvai dans une bien étrange maison. C'était une pièce sans aucune personne où se trouvaient beaucoup de meubles rudimentaires. Il y avait de larges fenêtres tamisées par de fins rideaux transparents. S'y trouvait également une sorte de banc, large autant que bas, non en bois mais fait de tissu et d'ouate. La tresse de cette couvrante était serrée et ses couleurs banales. Aucune dorure n'était visible. Un décor contrastant avec celui que j'avais vu au château, mais supérieur à celui que je connus dans ma vie de misérable. Une évaluation juste, bien que je ne compris pas le sens de tout ce que je voyais. Mon guide m'apparut et me dit « Daniel, tu veux voir ton père, lui parler ? Nous t'y avons emmené et te voici chez lui. Tu es dans son appartement, au 7e étage d'un immeuble, dans une banlieue révélatrice du besoin d'évolution, dans un siècle où l'homme doit réapprendre à aimer pour ne l'avoir jamais fait réellement. Nous sommes en 1986, là où ton père vit une pénitence et un certain entêtement. » C'est alors qu'entra dans la pièce une petite fille de 4 ou 5 années. Mal vêtue, les cheveux en bataille, elle s'avançait, se plaçait sur le divan ou la banquette ou le lit, je ne le savais pas. Elle tendait le bras vers un objet qui se trouvait devant elle, s'éclairant aussitôt. Il semblait y avoir des êtres dans cette boîte, enfermés derrière une épaisse et étroite lucarne. « Qu'est-ce que cette chose ? Comment ces curieux personnages sont-ils entrés et rapetissés ? Est-ce là encore le jeu d'une vision » demandai-je. Souriant, mon guide me dit « La fillette n'est pas ton père, et ce qu'elle a touché est une télévision. C'est un organe important de l'évolution technique des hommes. » Un outil de témoignage et d'étude qui débouchera plus tard sur de tumultueuses controverses sociologiques et sur des événements révélateurs. Je m'approchai de la petite fille pour la regarder de très près, de telle sorte qu'elle aurait dû sentir mon souffle et ma chaleur. Quelle jolie enfant ! Elle avait des yeux charmeurs et une adorable petite bouche. « La fille de mon père, » pensai-je. « Oui, » me dit mon guide, épiant mes faits et gestes. « C'est ma sœur, » conclus-je. « En fait, nous sommes tous au-delà de l'alliance du sang, des frères, » rajouta mon guide. « Ton père, toi et cet enfant, elle et ta mère, avec nous tous. » « Ma mère, le mot de trop. » Mais mon guide me montra là sa puissance, et mon excitation fut spontanément estompée. je restais assis aux côtés de la fillette, regardant les images en couleur de cette lucarne, le regard sur un monde que je ne connaissais plus. « Et mon père, pensais-je ? Patience, il arrive, » dit mon guide. Soudain, une femme à l'allure extravagante entra dans la pièce, jetant un sac sur une table située non loin du divan. Elle semblait en rage, déferlant des mots que je ne comprenais pas. Court vêtue, je percevais d'elle de longues jambes fines et blanches. Ses mollets étaient contractés par la cambrure de ses pieds, enfoncés dans des chaussures aux talons démesurés et fins comme des épingles. Tout ceci était grossier. Mon guide me dit alors « Ton père, le voici, Daniel. Il vit mal et souffre de multiples privations et fornications. Il va se désincarner dans une dizaine d'années d'une tumeur cancéreuse à l'utérus, contractée par l'abus et la faute. Il a déjà perdu 2 enfants dans les couloirs administratifs à cause de son irresponsabilité. Cette femme se prostitue, elle en veut à la société, vit marginalement et devra répondre de son endurcissement. Ton père s'est incarné avec le poids de ses erreurs, et aujourd'hui il en contracte d'autres. » Tout en écoutant ces paroles, je suivais mon père ou cette femme dans sa maison, traversant les murs et les portes sans en ressentir une quelconque gêne. Je scrutais cette femme toutefois jolie, m'obligeant à ne pas m'étendre dans mes investigations d'homme, par respect pour mon père. C'était une belle femme, dont la tenue laissait deviner les atouts. « Tu t'égares, » me dit soudain mon guide. Je continuai pourtant et sortis avec elle sur sa tour. « Le balcon, » précisa mon guide. Je perçus alors une immense ville croulant sous un soleil de plomb où aucune verdure n'y faisait d'ombre. Un monde et une technologie que je ne pouvais assimiler, n'en comprenant pas le sens. Mon guide me dit « Si tu veux parler à ton père, tu devras attendre la nuit, l'instant où cette femme s'endormira et où son esprit pourra communiquer avec toi. Pour l'instant, suis-moi. » Et je me retrouvai aussitôt dans l'hôpital bleu, avec ma mère devant moi. Elle tendait les bras et m'appelait. Il n'y avait rien d'autre que cette vision. Je fus pris d'une angoisse. Je voulais revoir mon père devenu mère, ma sœur et la télévision. Je voulais voir le monde, vivre l'époque du XXe siècle. Je voulais analyser, connaître encore. Mes souvenirs devenaient difficiles à maîtriser et le village de mon enfance se transformait en doute, en une impression indéfinissable. Avais-je seulement vécu ce passage? Où et quand étais-je née? Je restais figée devant ma mère, statique également, songeant à cette visite chez les hommes que mon guide appelait modernes. Je refusais cette confrontation, oubliais les conseils de Sébastien et désirais plus que tout poursuivre ma visite, voulant effacer mon passé. Mon guide intervint et me dit « Daniel, tu as un devoir à accomplir, tu t'en détournes. Ta soif de découverte ne te soustraira pas de ton problème et ne t'amènera pas la délivrance, car une obsession persiste. » Je te conjure d'accepter l'épreuve et de vivre avec ta mère. Le reste suivra. Mon refus diminua en même temps que mes forces. J'étais comme attirée mécaniquement vers ma mère. Une sorte de sifflement engourdissant m'accompagnait. J'étais alors tétanisée dans l'incapacité de bouger par moi-même. Mon cœur était néanmoins en paix et cette étreinte ne me faisait plus peur. Elle s'accomplit dans une ambiance hypnotisante. J'avançais doucement, les bras tendus le long du corps et la tête légèrement penchée en arrière. Je n'entendais pas mon guide ni mon frère. J'étais seule. Plus je m'avançais vers ma mère, plus son visage m'apparaissait sous les traits qu'elle avait eus lors de notre incarnation dans la campagne française. Elle était douce, belle, son regard exprimait de l'amour, ses yeux se rapprochaient des miens et une sensation d'étouffement s'élevait, un peu comme dans un réduit où nous aurions été enfermés. L'espace nous séparant diminuait, soustrayant un fluide vital. Je ressentais un manque, ne connaissant pas encore les relations qui régissent le monde des esprits. Je vivais là les souvenirs terriens à travers un sentiment que je ne maîtrisais pas. Les yeux de ma mère furent bientôt juste devant les miens. Le bleu de ceux-ci se mariait avec l'azur de l'endroit. Son nez toucha le mien pour finir par le traverser. C'est alors que nos visages commencèrent une fusion et qu'une angoisse me prit. Mon guide, réagissant aussitôt, manifesta une attention paternelle et me dit « N'aie aucune crainte, ceci est inévitable, mais bénéfique. Tu dois vivre et ressentir ceci, mais garde-toi des conclusions hâtives. Sache qu'ici, ta raison n'étant pas conscience, interprétera faussement les informations qui arriveront à ton esprit. Il te faut subir cette épreuve, Daniel. Aie confiance en toi et prends ma main. » À ces mots, je sentis une poignée de main chaleureuse, puissante, mais non écrasante. Une chaleur s'en dégageait, un réconfort analogue à celui qu'apportent les parents lors d'une douloureuse épreuve manifestée dans la tendre enfance. Mon guide veillait sur moi, et j'étais confiant, je me sentais fort, accomplissant une noble tâche. En fait, je n'attendais qu'une chose, c'était d'être débarrassé de ce cauchemar, de cette obsession qui me valait de la peine. Je ne comprenais pas le sens de ceci, ni où tout cela devait m'emmener. Bientôt, les yeux de ma mère touchèrent les miens, amenant une fraîcheur et une sensation de gêne. Sa tête entière se confondit en la mienne. Brusquement, je ne perçus plus rien devant moi, plus de femme, car ma mère était entrée dans mon esprit. C'est alors, ô mon Dieu, que je connus l'enfer et la damnation. En fait, je perçus physiquement et matériellement avec tous mes sens ce qu'avait subi ma mère et je compris pourquoi elle avait tué et massacré. Je me sentis violée, écartelée, souillée. Je ressentais dans mes entrailles les longs et insoutenables mouvements de mes agresseurs et recevais sueur et semences sur mon ventre. Je sentais des mains sur mon corps. Il y en avait des centaines, me pinçant, me griffant, me prenant le visage, m'ouvrant la bouche. La violence des hommes était horrible, leurs appétits aussi, c'étaient de véritables démons. Une forte odeur d'urine m'envahissait, s'étendant autour de moi, dans ma bouche et mes narines. Je sentais que l'on me tirait les cheveux, que l'on les arrachait quelquefois. Les muscles de mes jambes étaient tendus, allongés, les hommes agrippaient mes mollets. Oh mon Dieu! J'étais bousculée, les coups répétitifs, saccadés et alternatifs que l'on me faisait subir résonnaient dans ma tête. Je me sentais végétative, accusant l'épreuve sans réagir, sujette à une danse sexuelle incessante sans que je puisse évaluer le temps passé. Je criais, je suppliais pour que cela cesse. Mes entrailles se vidaient le long de mes jambes, une horrible sensation qui confirmait cette incontinence de l'excès. Violée, mon corps perdait toute retenue. La souffrance me portait aux larmes. Je percevais des hommes ruisselants de sueur, les cheveux mouillés dont les mèches lâchées s'égouttaient sur mon visage. Leurs yeux étaient injectés de sang, comme fiévreux, remplis d'une jouissance volée. Je n'avais pas le réflexe d'appeler mon guide, pourtant je serrais sa main. Oh oui, je la serrais, je l'écrasais. Cette situation s'arrêta d'un coup. En fait, je n'ai jamais pu véritablement situer la fin, puisque même dégagée, j'en ressentais encore les tourments. Mon guide me dit alors « Daniel, tu viens de vivre sa douleur. Tu as ressenti le sens de son épreuve. Vos esprits ont échangé leur message existentiel. Ainsi ta mère a, de son côté, ressenti ce qu'elle t'a fait subir, à toi et au tien. Vous êtes donc aujourd'hui marqué des souffrances de l'autre qui ne sont que l'effet de vos propres faits. Tu comprends pourquoi elle te poursuivait et tu admets le pardon car tu sais pourquoi tu as succombé. Le cerveau joue ici-bas le rôle d'un tamis, mais la force de la rancune a souvent raison de celui-ci. Les souvenirs ont fini un jour par revenir en conscience, une sorte de vision obsédante et captivante. Ta mère reconnaissait en toi son bourreau, le reste tu le connais. L'esprit de ta mère a attendu cette confrontation. Sache qu'avant votre réincarnation où il y a eu ce drame, vous ne vous êtes pas livré à ces preuves, laissant en vous deux une obsession irrémédiable. Aujourd'hui, bien que vos cœurs soient encore endurcis, vous aspirez au pardon. Lorsque le joug de l'incarnation vous réunira de nouveau, vous aurez ainsi plus de pouvoir pour aller jusqu'au bout. Mon guide m'apparut au dernier mot de ses conseils. Il souriait. Je n'avais toujours pas lâché sa main. Je lui dis « Où est ma mère? Qu'en avez-vous fait? Est-elle retenue à l'hôpital bleu ?»« Oui, Daniel, me répondit-il, mais elle n'est plus prisonnière de son antériorité. Dorénavant, vous vous chercherez et agirez à votre guise. Les souvenirs de vos âmes ne sont plus un facteur d'errance. Tu es libre, Daniel, mais la préparation à l'incarnation est à envisager. Je ne te le demande pas, ni t'en prie, car ceci est un besoin plus profond qu'un souhait ou qu'un choix. » C'est un engouement indescriptible, survenant dans une conjoncture précise, réunissant des facteurs clés subjugants. Pourtant, ton esprit y participe, et je te le dis, tout ce que tu feras à partir de maintenant sera déterminant pour ta prochaine incarnation. Mais, dis-je, ai-je réellement besoin de me réincarner? Ne peut-on pas vivre d'esprit sans retourner sur terre? Une décision ou un sens que seul Dieu, qui est en ton cœur, connaît. Mais Daniel, la réincarnation est une loi. Pourtant, Elle n'est jamais une contrainte, s'opérant toujours en douceur, dans un abord incommensurable. C'est la profondeur de ton être qui dispose à cela. Je ne peux être positif ou négatif quant à savoir si tu vas te réincarner. Un puissant libre arbitre est au-dessus de tout système idéologique. Tu dois connaître la vie et continuer ton chemin. L'hôpital bleu n'est pas un sanctuaire, tu dois en sortir. Crois-tu, mon guide, que je peux aller retrouver mon père, bien qu'en ce moment je n'y retrouve plus les mêmes intérêts? J'étais en effet dans un état d'esprit candide. L'expérience que je venais de vivre m'avait été bénéfique, bien que je n'en comprenais pas toujours le sens. Je savais que le mal que j'avais contracté était celui que j'avais subi. Mon guide me disait « Tu dois connaître les paroles de Dieu. Daniel, tu sembles apte à les comprendre et tu corresponds aux conditions spirituelles. Tu veux visiter ton père ?» Je me retrouvais aussitôt chez lui ou chez cette femme fort intéressante. Il faisait noir dans la pièce, toute lumière éteinte, sauf celle du dehors que je percevais à travers la fenêtre. La nuit transperçait le plafond et le scintillement des étoiles donnait à cette situation une certaine magie. Nous étions dans la chambre à coucher et mon père, cette femme, dormait à poing fermé. La fillette était à ses côtés, étalée de tout son long. La fenêtre ouverte laissait passer un léger vent qui faisait danser les petits rideaux. Une fraîcheur envahissait la chambre. De gros chiffres rouges lumineux et clignotants émettaient un halo lumineux. « C'est un réveil, Daniel, » dit mon guide. « Je t'expliquerai cela plus tard, bien que tu en connaisses le principe. Tu vas découvrir beaucoup de choses et tes deux siècles de troubles n'auront pas raison de la spontanéité de l'esprit. » La scène qui se déroulait devant moi était surprenante. Bien que la jeune femme soit immobile, engourdie par le sommeil, je percevais une masse grisâtre et gesticulante en elle. C'était une ombre, une forme humaine à l'allure masculine qui lentement se dessinait. Mon guide m'expliqua. « Vois-tu l'esprit de ton père se dégager péniblement de son corps endormi? Vois comme il est sombre et gluant. Remarque comme il se traîne. Il n'a pas oublié. Il n'est pas libre. Et la souffrance le rappelle. Il n'a pas pardonné. La matière le digère. Il est damné. » De voir mon père se débattre ainsi me faisait oublier le souvenir de puissance qu'il m'inspirait alors. Que de grimaces et d'efforts! Il était comme saisi dans du sable mouvant. Ses mimiques réagissaient dans son corps spirituel, comme des ondes d'eau. Ses mains s'agrippaient, forçaient comme pour se sortir d'un trou. Ses efforts finirent par porter leurs fruits et le corps spirituel de mon père se redressa à partir de la ceinture pour se mettre à la perpendiculaire du lit. Il n'y avait alors que la partie supérieure de son corps spirituel qui se dégageait, l'autre restant attachée et indivisible à l'enveloppe charnelle de la jeune femme. La partie extériorisée était incertaine. Il y avait des ligaments qui en sortaient par l'arrière, attachés ou reliés au corps de chair, comme les fils que fait le fromage fondu. Il était englué, comme me l'avait fait remarquer mon guide. Sa constitution était imparfaite et sans cesse en mouvement, comme une confiture que l'on aurait laissée sur le feu. Mon guide, touché par mes réactions, me demanda « Que ressens-tu? Quelles sont les questions? Es-tu mal à l'aise ?» Je repris. « Mon père est en difficulté. Cette situation m'émeut et je ne comprends pas notre oisiveté ou indifférence. Ne peut-on rien faire ?» Nous ne pouvons effacer l'erreur ni la réparer à la place de ceux qui la commettent. La situation que vit ton père est analogue à celle de beaucoup d'hommes et de femmes incarnés. Tu vois ici la résultante de l'idéologie matérialiste poussée à son paroxysme. Il n'y a pas de dégagement spirituel ni de sens à la spiritualité. Quant à la matière, elle est un organe exécutif et non la cause des tourments humains. Nous pouvons essayer de le guider, de l'éclairer. Mais, Daniel, tu t'en rendras compte, rien n'est aussi facile et le monde des esprits est loin des systèmes humains. Je ne comprenais pas l'avis de mon guide. Ses mots paraissaient clairs et pourtant mon cœur était troublé. Enfin, tout m'obligeait à croire qu'il avait raison. Pouvait-il seulement avoir tort? Assez souvent, cette interrogation venait bouleverser mon entendement, mais à chaque fois, mes épreuves et leurs aboutissants confirmaient les enseignements de mon guide. Les jambes de l'esprit de mon père restaient collées à celles de la femme, de telle sorte qu'on ne les percevait pas, semblant même ne pas exister. Seul le buste vivait d'esprit, et rien de plus ne se dégageait de la femme restant immobile, sans aucun mouvement fébrile. L'un et l'autre semblaient vivre d'une manière autonome. Je m'approchais, me tenant devant lui, j'essayais de croiser le regard de mon père au milieu de cette ondulation ininterrompue qui déformait les courbes de son visage. Toute sa tête n'était qu'un brouillon. Ses yeux subissaient cette avarie. Il s'ouvrait, puis se refermait, au gré des boursouflures disgracieuses parsemant la surface de sa figure. Il n'avait ni cheveux, ni oreilles, ni de nez, juste la forme d'une tête altérée avec deux yeux à moitié ouverts, regardant l'espace qui l'entourait avec une frayeur caractéristique. En contemplant cela, je ne pouvais m'empêcher de penser à ma propre obsession. Avais-je été ainsi avant que je rencontre ma mère et comprenne le mal que je lui avais fait? Étais-je ainsi, difforme, perdue et sans réflexe? J'essayais de le toucher en lui posant mes mains sur les épaules en mouvement. Son buste entier ressemblait à l'ombre que fait le feu sur un mur. Mais mes mains le traversaient sans provoquer de réaction. Je m'aperçus alors, confus, que nous n'étions plus du même monde. « Pourquoi cela ?» demandai-je. Mon guide, prenant place à mes côtés, me dit « Daniel, ton père est troublé et il ne te voit ni ne te sent. » Il se trouve dans la profonde période du sommeil, là où l'esprit incarné jouit d'une plus grande perception spirituelle. « Mais alors, réclamai-je, en parasitant ses pensées, pourquoi ne me sent-il pas ? Daniel, je t'ai dit qu'il était en trouble. Il ne ressent que la douleur de son âme et cherche le soulagement. Je veux l'aider, faites qu'il m'entende. » Souriant, mon guide continua. À quoi bon vouloir aller contre le vent? Il faut savoir préserver sa voilure, et si la bourrasque vient gonfler tes voiles à contresens, apprends à utiliser cette énergie avec discernement, ou bien tu chavireras. Soyez plus clair, ô mon guide, soupirai-je, votre discours m'est quelquefois incompréhensible. J'entendis soudain s'élever une voix souffreteuse qui appelait Sébastien. Cela faisait. Sébastien, Sébastien, viens à moi, mon enfant. C'est alors qu'apparut au-dessus de nous mon frère. Souriant, il ne semblait pas étonné de nous voir, un sentiment que je ne partageais pas. Je lui demandais « Mais que fais-tu ici? Où étais-tu ces derniers temps? Sais-tu que j'ai rencontré maman ?»« Oui, oui, » dit Sébastien, « il n'y a rien ici d'étonnant, mais la suite logique des événements. Ne sois pas offusqué si je ne réagis pas avec enthousiasme, mais voilà deux siècles que je m'efforçais pour ce résultat. Aujourd'hui, je m'occupe de notre père qui a besoin de moi. J'ai déjà tenté plusieurs actions. Cela est difficile, mais je sais aussi que tout rentrera dans l'ordre. » Mon guide m'interpella et me fit remonter. Nous nous éloignâmes de Sébastien, restés aux côtés de mon père. C'est alors que nous perçûmes une triste scène. Mon père tournait sa tête en tout azimut. J'entendais aussi ses lamentations déchirantes et angoissantes. « Ô Sébastien, aide-moi, par pitié, libère-moi. Je veux être en paix, je péris, je suis en enfer. Pourquoi tous ces tourments? Je ne veux pas aller en prison et je refuse ces enfants illégitimes. Emmène-moi. » Je voyais se déformer le visage de mon père à la manière de la surface de l'eau agitée par le jet d'une pierre. De son côté, la jeune femme, endormie profondément, ne semblait que peu affolée par ce contact. Sébastien, lui, avec calme et concentration, essayait de calmer la frénésie de mon père. Ses mains blanches et brillantes suivaient les ondulations du corps spirituel de mon père. Je voyais, horrifiée, la couleur grisâtre de son corps envahir la blancheur immaculée de Sébastien. Les suppliques de mon père étaient pour moi de véritables coups de poignard au cœur et les larmes venaient mouiller mon regard, du moins, c'était l'idée que j'en avais, car je n'avais plus de larmes. Mon guide intervint. « Ta compassion montre la grandeur de ton âme, car jadis, tu n'avais pas beaucoup d'amitié ni de respect pour ce prince aux allures extravagantes et imbues de sa personne. » Il te trompait, te volait, tu le savais. Vos relations n'étaient que le centre d'un accord crapuleux. Oui, je le sais, déclarai-je. Essayons tout de même de faire quelque chose. Est-ce ainsi chaque nuit? Oui, malheureusement. Son sommeil est agité par les mêmes cauchemars, une psychose que les psychiatres auraient du mal à contenir. Vous voulez dire que le cauchemar, c'est cela? Non, Daniel, rien n'est aussi simple, et le cauchemar dont tu parles se situe plus proche de la conscience humaine. Pour tout savoir, regarde donc ce qui arrive pendant que l'esprit de ton père retourne vers l'état d'éveil. » À ces mots, je perçus Sébastien reculer avec force, comme poussé ou jeté en arrière par son propre père. En fait, ce dernier n'était plus seul et d'horribles formes incertaines et sombres tourbillonnaient autour de lui. Quel effroi ! Qu'était-ce que ces gargouilles ricanantes et agressives ? Étaient-ce seulement des esprits ? Que faisait-il à mon pauvre père? Oh, il se débattait comme agressé par un essaim d'abeilles, émettant des cris stridents. Ses mains, jetées en tous sens comme la queue d'une vache, s'étiraient comme de la pâte. Ses bras devenaient fins comme des fléaux. Notre père se déformait sous l'effet d'une cruelle agression. La jeune femme, cette fois-ci, ressentait quelque chose, tournant de droite à gauche et de gauche à droite sur son lit, bousculant sa fillette qui réagissait également à l'agression. Les gargouilles, comme je les appelais, poussaient aussi des cris, ressemblant à ceux du cochon en bataille. Pris d'une pulsion incontrôlable, je voulus faire cesser cette épreuve et me lancer avec force à la défense de mon père. Mais la réalité vibratoire eut raison de mes visions, et je traversai dans mon élan le lit et le plancher pour me retrouver en dessous, chez d'autres gens, face à un couple de vieux esprits, là, surpris de mon entrée. Il se tenait au-dessus d'un homme assis devant une lucarne lumineuse, plus grande que celle de mon père. Puis, je fus tout à coup attiré vers le haut, traversant l'appartement. Mon guide me regardait avec un air ennuyé. Je continuai à être spectateur de cette scène inimaginable et me dis à moi-même : « Quelle agression ! Est-ce ceci le pardon ?» Mon guide me dit : Daniel, ne t'inquiète pas des formes représentatives. Là encore, tu perçois les ondulations relatives d'une idéologie et d'un sentiment. Ne t'attarde pas sur l'aspect des choses, mais comprends le pourquoi de cette prison, le pourquoi du mal, sa manifestation. Les mouvements de la femme finirent par réveiller la fillette qui, affolée par les gémissements de sa mère, se mit à pleurer. La jeune femme commençait à revenir à elle, ce qui, du même coup, obligea mon père à réintégrer son corps attiré par les stimuli de celui-ci. À l'instant même, les gargouilles disparurent, évanouies dans l'atmosphère tendue de la pièce. Une forte lumière remplit la chambre. La femme se retrouva assise sur le bord de son lit, se tenant la tête et soupirant. La fillette, abasourdie, se recoucha, le regard dirigé vers sa mère. Sébastien nous rejoignit. Regardant mon guide pendant un instant, il se mit de nouveau à sourire. Mon guide semblait comprendre ce que voulait Sébastien. Celui-ci se retourna ensuite vers moi et me dit « Ne sois pas étonné, Daniel. Nous communiquons au-delà des formes pensées, mais nous nous disions la même chose, courage et résignation. » La jeune femme avait quitté la chambre pour aller à la cuisine. Je dis à mon guide « Je n'ai pas pu parler à mon père et il ne m'a pas vu. À quoi ai-je servi? Mais à quoi lui sert cette vie ?» Daniel, reprit mon guide, ne sois pas défaitiste. Il y a plusieurs choses que tu ne comprends pas, et ton cœur est encore trop chargé des valeurs terrestres. Tu juges les événements avec une raison d'homme dans un monde au-dessus de celui-ci. Plusieurs choses sont à transformer en toi. Il nous faut continuer notre étude. Mais je ne peux pas laisser mon père ainsi, repris-je. Et ta guérison ? Argumenta mon guide. Oui, il avait raison. Mais en voyant cette femme seule, pauvre en esprit, se recoucher, ramenant doucement le drap sur elle, je fus pris d'une profonde tristesse. La lumière s'éteignit et mon cœur fut troublé par un déplacement vertigineux.